Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Hello toutes tous. On reprend le thème du pop-rock dans le blues avec ce nouveau Blues Covers. On commence avec Monsieur Michel Pagliaro, qui en 1975 a publié un magnifique album qui s'appelle tout simplement Pagliaro. C'est un Québécois de Montréal, il chante en français, en anglais. Dans ce disque, il y a quelques adaptations du rock et du rhythm and blues. Par exemple, « Faire le trottoir », la version originale c'est « Walking the Dog », hein, de Rufus Thomas et popularisé par les Rolling Stones en 64. Et puis, moi, je vais vous proposer « Émeute dans la prison ». Riot in Cell Block Number 9 des Coasters, enfin plutôt des Robins qui sont devenus les Coasters. Ensuite, c'est une composition de Labor Stoller, bien connu des amateurs de rock'n'roll. Ils ont composé pour tout un tas d'artistes, le moins connu étant Elvis Presley, bien sûr. Michel Pagliaro, 1975, émeute dans la prison. Le 13 juillet 1968, je fus pris et mis en taule pour vol à main armée. À 4 heures du matin, je roupillais dans ma cellule. À coup de revolver, on va foncer, ça sera pas long. Le coup a commencé dans le bloc numéro 3. 2 heures après, on était tous dans les couloirs. J'ai dit ok les boys, c'est le temps de filer. Profitons du temps avant qu'il y ait la main. On va foncer, ça sera pas long. Le gardien cria, sortez tous les mains en l'air. Si vous n'avez de bras, vous allez tous goûter la chair. Le cordon me dit, hey, il est trop tard pour lancer. Le gaz nous a tous cuits. Chris the Cat, en 2005, publie l'album Gammin' Old Blues. Et sur cet album, rempli de reprises, je vous ai sélectionné Alléluia, I Love Her So de Ray Charles. Chris the Cat, le catalan. The girl I know, she's my woman and I love her so. And every morning while the sun goes up, she brings me coffee in my favorite cup. And I know, oh, oh, oh, oh, and hallelujah, I love her so. I'm in trouble and I have no friends. I know she's taking me right to the end. And everybody ask her how I know. I smile at them that she owned me so. And I know, whoa, whoa, whoa, and hallelujah, I love her so. When I call her on the telephone and tell her I'm all alone, before you're gone from one to four, I heard knock on my door every evening when the sun goes down. And anybody else around, she kisses me and holds me tight. Oh baby, everything is alright. And I know, oh, oh, oh, and hallelujah, I love her so. The sun go down and anybody else around, she kisses me and hold me tight. Oh baby, everything is alright. And I know, oh, oh, oh, oh, and hallelujah, I love her so. Yes, I know. Yes, I know, and hallelujah. Hallelujah. On m'a dit qu'il y avait 1000 personnes. Hallelujah. Ah, ils sont tous là. Hallelujah. I love her so. Après Chris, voici Christian. Christian Lightning E, ou Lightning E, si on veut en américain. C'est un membre actif de la chaîne du blues et d'autres sites, bien sûr. Il a plein d'activités, photographe bien connu. Et il a publié, il s'est fait plaisir, en 2018, il a sorti le CD Paris Suburb Blues Style avec... plein de reprises, et c'est tout seul qu'il a fait ça au cours de nombreuses sessions au fil des années, hein, tout seul chez lui, avec un Revox ou un 4 pistes. En tout cas, voici le résultat brut de décoffrage. Et puis, ce sont des classiques du blues, mais le dernier morceau, est vraiment sympa puisque c'est When I'm 64. Ai-je besoin de dire que c'est une composition des Beatles, Christian Lightning en Railroad Stomp, c'est un trio des Yvelines du côté de Mantes-la-Jolie avec Cédric Oiset, voix-guitare, Franck Tisoni, voix-harmonica et dessin de pochette, affiche, super pochette, hein, super dessin. Et enfin Antoine Boiron à la contrebasse. L'album est paru en 2020, c'est-à-dire tout récent, tout chaud. Et ce sont des reprises, il y en a 9. Je vais vous proposer tout simplement Bright Lights, Big City de Jimmy Reed avec Railroad Stomp. Bright Lights, Big City, they went to my baby's head. The Bright Lights, Big City, they went to my baby's head. I tried to tell the woman, but she don't believe what I said. It's alright, little pretty baby. You're gonna need my help someday. Yeah, alright, pretty baby. You're gonna need my help someday. You're gonna wish you had listened to some of those things I say. Lake City. They went to my bed, they said, oh, the bright lights, the big city. They went to my bed, they said, well, I hope you remember some of those things I said. Cotton Fields. Vous ne trouverez pas leur CD, en tout cas pas pour l'instant, car j'ai trouvé ces deux titres sur leur chaîne YouTube. En réalité, c'est une version alternative des Cotton Bellies, groupe de l'Essonne. Je pense que tous les gens qui écoutent mon émission connaissent Cotton Bellies quand même. Là, c'est une version en trio, avec Aurélie à la batterie, Mick à la guitare, et Yann chant, guitare, et puis aussi Armo. Donc, puisque le thème c'est du pop-rock dans le blues, j'ai choisi des morceaux justement pop et rock, ou soul, et nous commençons avec Dock of the Bay, Otis Redding, c'est Cotton Fields, en 2020. Vous trouverez ça sur Internet, sur YouTube. Sitting in the morning sun, I've been sitting in the evening cold, watching the chips roll in. Then I watch them all away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Can do what tell people tell me to do. So I guess I remain the same. I'm sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Disturbed by the nights I roam, just to make this dock my own. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. En 1967, les Box Tops enregistrent un super tube, leur seul, hein, on peut dire, The Letter. Et la chanson commence par cette phrase « Give me a ticket for an aeroplane ». Alors quand on pense qu'Otis Redding, que l'on vient d'entendre parler Cotton Fields, est mort dans un avion, oh là là, quelle coïncidence. Est-ce que les Cotton Fields ont voulu faire un lien entre ces chansons? Je ne le sais pas, je leur demanderai à l'occasion. En tout cas, voici le deuxième titre des Cotton Fields, enregistré pendant le confinement en 2020, « Sitting on the Dock of the Bay ». Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Give me a ticket for aeroplane. I ain't got time to take no fast train. The lonely days are gone, I'm coming home. My baby, she wrote me a letter. I don't care how much you gotta spare now. Oh, I won't find my way home again. The lonely days are gone, I'm back home. My baby, she wrote me a letter. She wrote me a letter, said she couldn't leave without me no more. Listen to me, mister, gonna ever see my baby once more. Anywhere, give me a ticket for an aeroplane. Time to take no fast train. The lonely days are gone, I'm there at home. My baby, she wrote me a letter. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.